بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا في الدرس السابق dans le cours précédent on a pu prendre les autres versets et les hadiths que le Moussanif rahimahullah ta'ala il a évoqué dans le chapitre de la faveur du dhikr qui nous exhorte à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme il nous le demande c'est-à-dire kathiran énormément wa hona qala rahimahullah ta'ala babu fadlu tasbih والتحميد والتكبير والتهليل فهذا في الحقيقة ça rentre كذلك dans ce qu'on a pu voir dans le cours dernier لأن فضائل الأعمال les actes méritoires les œuvres méritoires ils sont de deux catégories une qui est مطلق qui est générale et une autre qui est معين بعمل مقيد بعمل معين qui est restreint à une œuvre bien précise فمن المطلق مثلا قول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Ceux qui ont cru et œuvré avec sincérité, conformément à la sunna, Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, le miséricordieux, leur accordera son amour. فهذا c'est عام dans toutes les œuvres. وهنا هو رحمه الله, il va nous évoquer les fada'il, les faveurs qui sont spécifiques au tasbih, au tahmid, au takbir et au tahlil. Fada, c'est pour nous rajouter du shukr l'Allah Azza wa Jal pour qu'on ait beaucoup plus de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal et que notre amour vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal se décuple. Toutefois, où on est amené à connaître un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et nous accorde, on se doit de le remercier et on se doit d'œuvrer en conséquence de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Wa qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, et ça c'est d'une importance, dans son kitab al-Askar, qala i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un min fada'il al-a'mal an ya'mal bihi walaw marratan wahida. Ces mérites qui sont évoqués dans ce chapitre et dans le chapitre kadhalika qu'on a pu voir précédemment, c'est pas seulement yani, une simple connaissance. On se documente et on ne voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala qaddam al-yahoud. Il a blâmé les yahoud qui étaient les personnes de la connaissance, la kim qui ne voient pas. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah Azza wa Jalla les a qualifiés tels que des ânes qui portent des encyclopédies, des ouvrages sur leur dos, qui ne profitent pas. فالإنسان afin que le bienfait d'Allah Azza wa Jal soit accompli, il faut qu'il œuvre. Fa'ahuna nous dit Cheikh al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, sache que il incombe à toute personne qui a été mis au courant d'un mérite dans une œuvre qu'il s'acquitte de cette œuvre-là, ne serait-ce qu'une seule fois. Liyakuna min ahli, afin d'être comptabilisé parmi les gens de cette œuvre-là et de cet acte-là. Qala wa la yanbaghi an yatrukahu mutlaqan. Et il ne convient pas à cette personne-là, après avoir pris connaissance du mérite qu'il y a dans ces œuvres-là, de délaisser l'œuvre. فَهَذَا كَمَا قُلْنَا هَذَا التَّشَبُّ بِالْيَهُودِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Un autre exemple qui est blâmable, semblable au chien. Allah Azza wa Jal évoque celui qui n'œuvre pas de sa science et qui la délaisse, qui est semblable à un chien. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith as-sahih laysa lana al-mathal as-su'. Le mu'mini, il se réserve qu'on le qualifie par les mauvais exemples. Fa délaisser la science, plutôt l'application après que la science nous est parvenue, fa hadha madhmum jiddan. C'est très blâmable. Wa ja'a fi al-hadith qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa les aqma' al-qawl. Malheur à ceux qui font de leur oreille des entonnoirs. C'est-à-dire, ça rentre par un côté et ça en sort par un autre. Et c'est un hadith qui est sabit. Wailun li aqma' al-qawl. Ça rentre par un côté et ça sort par l'autre. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wailun li kulli affakin athim. Yasma'u ayatillah tutla alayhi thumma yasirru mustakbira ka'an lam yasma'ha. Il dit malheur à tout menteur. Et ensuite, il a qualifié ce mensonge-là. Qui est que cette personne-là, lorsqu'elle entend les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en détourne. Comme si jamais il ne l'avait pas entendu. Fakazalika, celui qui entend ces mérites-là. Ces mérites-là, fil haqiqa, ça doit provoquer dans nos cœurs un targhib, un désir, et kazalika un tahrib. C'est-à-dire une peur de ne pas œuvrer en conséquence. Car Allah azawajal a dit malheur à ceux qui font cela, qui délaissent les œuvres. Faqala rahimahullah, la yanbari. Celui qui connaît un bienfait, il le prend, il ne le délaisse pas. أن يتركه مطلقا كي لو ديلس totalement بل قال بل ياتي بما تيسر منه. Il fait les efforts pour appliquer ça, pour mettre en application ce qu'il a appris comme il le peut. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. Il dit cela en se conformant à la parole du prophète عليه الصلاه والسلام qui a dit lorsque je vous ordonne une chose, faites de votre possible pour vous acquitter de cette chose-là. فَهَذَا يَنْبَغِي. On entend les fada'il, les mérites qu'il y a dans ces œuvres-là, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'implorer. Et la kazalika va nous évoquer encore des mérites. Ces mérites-là, il faut qu'on les applique afin qu'on fasse partie de ces gens-là, comme on a pu voir. C'est quoi le dhikr? C'est le fait d'obéir à Allah azza wa jal. Et non pas simplement de prononcer le tasbih, le tahlil, comme on a pu voir à travers la parole de Saïd Ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, qui a dit al-dhikr huwa at-ta'a. Le rappel, c'est l'obéissance. Man ata'a Allah faqad dhakara. Celui qui lui a obéi, il s'est certes acquitté du rappel. Wa man lam yuti'hu falaysa bidhakir. Et celui qui ne fait pas cela, qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera pas compté parmi les partisans et les gens du rappel. Qala wa in akthara tilawat al-Qur'an wa at-tasbih. Et même si jamais il fait beaucoup de tasbih et il lit énormément le Coran, il ne sera pas compté parmi les gens du dhikr. Fa labuda min al-a'mal. Qala rahimahullah ta'ala qala babu fadlu at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa at-tahlil. Et ce qui est évoqué là, le fadl qui s'applique sur ces gens-là, ce sont ceux qui l'évoquent, yani à voix audible, yani il s'entend lui-même. C'est pas le simple fait d'évoquer ces choses-là dans ton cœur. Le tasbih, le tahmid, le takbir, le tahlil, le mérite qu'il y a dans cela, il sera accordé aux personnes qui le prononcent sur le bout de leur langue et qui œuvrent en conséquence, comme on a pu le voir. Lakin celui qui fait le tasbih dans son fort intérieur sans le prononcer, fada, c'est pas, il n'est pas compté comme dhakir, comme gens du rappel. Et il n'aura pas, il profitera pas de ce qui est évoqué ici et dans d'autres kutub et dans d'autres hadiths et ayats qui montrent le mérite de faire le rappel. قال الإمام النووي رحمه الله كذلك dans son kitab عظيم الأذكار قال اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به حيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع la arida lah. Il nous dit rahimahullah ta'ala dans les débuts du kitab de Al-Askar vers la page 60, il dit sache que les askar qui sont légiférés dans la prière et en dehors de la prière, qu'ils soient obligatoires ou mustahabba, recommandés, la yuhsabu shay'un minha, elles ne seront pas considérées comme askar jusqu'à ce que cette personne-là la prononce. Donc il faut l'aboudanahoui prononcer. Comme on a pu voir, prononcer, c'est pas dire crier. Comme on a pu voir dans le zikr, et kadalika dans le dua, il y a un adab. Il y a une condition qui est que ce soit à voix, yani audible, qu'il s'entende lui-même. Amma s'il élève la voix, fahada, c'est al-i'tida, c'est la transgression dans la dua et dans le zikr. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wathkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifyatan. Évoque Allah azza wa jal par humilité et en discrétion. Wa fi الآية الثانية قال سبحانه وتعالى Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. Implorez Allah Azza wa Jalla avec humilité et avec discrétion. Fa la ifrat wa la tafrit. Il y en a qui abusent, ils exagèrent. Ils élèvent leur voix. Comme si jamais Allah n'entend pas. Et il y en a, ils ne prononcent rien du tout. Il y en a dans le cœur. Comme le dhikr, labudda min al-qalb. C'est-à-dire un niya. Wa labudda annahu yusma'. Labudda qu'on entend, il y en a. Hamsa, labudda qui chuchote. Et qui s'entend lui-même. Comme قال رحمه الله تعالى في كتاب الأثار فهذا سنتنبكي مهم جدا فقال هنا ورحمه الله التسبيح أولا avant de dire سبحان الله qu'est-ce que le تسبيح afin que vraiment y'en ait nos cœurs ressentent ce bienfait là qui est le تسبيح et ressentent reconnaissent cette valeur là qui est le تسبيح qui est une كلمة عظيمة جدا qu'est-ce que le تسبيح لابد أولا نتعرف. On ne se précipite pas, on ne dit pas une chose sans la connaître. Al-ilm qabala al-qawl wa al-amal kama qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. La science doit précéder les paroles et les actes. Et le dhikr il fait partie des paroles. Donc il se doit d'être précédé par la science. Qu'est-ce que at-tasbih? Qala al-imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala dans son tafsir al-mujallad al-awwal premier volume la page 211. Qala aslu at-tasbih lillah 'inda al-arab at-tanzihu lahu من إضافته ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك. Il dit رحمه الله تعالى que l'étymologie du tasbih a pour notion chez les Arabes de purifier, de débarrasser une chose des impuretés qui lui a été imputée injustement et de s'en désavouer. Ça c'est le tasbih. Ça a la notion chez l'Arabe de débarrasser une chose des impuretés. Des paroles yani, qui sont mauvaises, néfastes. Qui lui ont été imputés injustement et de s'en désavouer. Hada huwa at-tasbih. Fa al-mu'min, lorsqu'il fait le tasbih, par cette voie-là, il se désavoue de la parole de ceux qui disent sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est avare. Yadullahi mahloula kama. C'est le cas des Yahoud. Ils ont dit la main d'Allah est avare. Wa al-nasara allazina qalu Isa ibn Allah. Que Isa c'est l'enfant d'Allah. Et à Sophia et autres, ceux qui disent qu'Allah bizatihi, par son être, il est fi kulli makan. Fanah, nous, lorsqu'on entend ces immensités-là, on se doit de dire, subhanallah. C'est-à-dire qu'on se désavoue de la parole de ces personnes-là, et on se désavoue de ces gens-là. Et on recherche à travers cela, de purifier Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier la grandeur d'Allah et Azza wa Jal, des impuretés et des insanités qui ont été imputées à Allah subhanahu wa ta'ala injustement. On purifie nos consciences et nos cœurs de ces paroles-là, qui sont azimah jiddan. Al-jamadat, al-ard, al-samawat, ils sont pris d'effroi et de colère à l'écoute de la parole, ou des paroles qui sont dites sur Allah subhanahu wa ta'ala injustement. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, takadu al-samawat yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda, an da'u lir-rahman walada. Peu s'en faut pour que la terre et les cieux sont pris d'effroi et se fendit en deux à l'écoute de ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant. Enfin, ça c'est les jamadat allati la ta'i wa la ta'qil allati celles qui ne font pas de sadaqat la tusalli wa la tasum. Ils sont pris d'effroi et de colère lorsqu'ils entendent des plaisimons paroles sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fakifa bi qalb al mu'min, que dire du cœur du mu'min à l'écoute de ces monstrueuses paroles. Il se doit de dire subhanallah ta'ziman illa. On glorifie Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatan lahu jalla wa ala. Et en se désavouant de ces personnes-là et de leurs paroles, il doit purifier la grandeur d'Allah azza wa jalla par amour, glorification et par colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yaghdab lillah jalla wa ala. Fahadi c'est le tasbih. C'est une kalamat ka'azima. Purifier la grandeur d'Allah par amour et glorification et par colère. Bil ghadab. Parce que tu dois aimer ce qu'Allah aime. Et détester ce qu'Allah déteste. Ça c'est une chose de kalimat al-tawhid. Tu dois aimer cette parole-là, aimer Allah et Azza wa Jal. Et détester ce qu'Allah déteste. Toutes les paroles qui sont vaines et fausses, qui sont imputées à Allah et Azza wa Jal injustement. Sur lui, sa religion, son prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de dire subhanallah tasbih. On décharge nos consciences de ces paroles-là, qui sont vraiment azimah jiddan, qui sont khabitha. وقال الإمام ميمون Ibn Mihran, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, la page 16, le volume 16, la page 125. قال هو رحمه الله تسبيح قال هي كلمة يعظم بها الرب ويحاش بها من السوء. C'est un peu une parole qui revient avec celle qu'a dit l'imam At-Tabari رحمه الله تعالى, dans laquelle nous dit le tasbih, c'est une parole à travers laquelle on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et on purifie sa grandeur des immensités qui sont imputées à Allah azza wa jal injustement. Donc le tasbih, c'est une kalima de glorification et de purification. Lorsqu'on dit subhanallah, c'est une glorification et une purification des impuretés qui sont dites sur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala la budda min at-tanzih min ithbat al-kamal. Dans le mujallad le 10e volume, la page 250. Sheikh al-Islam rahimahullah nous informe que le tasbih, on a compris qu'est-ce que le tasbih, mais il nous informe d'une chose en plus. Il dit que le tasbih doit comporter une affirmation de l'opposé de l'imperfection qui a été imputée à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on fait le tasbih, c'est une négation. C'est-à-dire, on renie cela, on le rejette. Ce qui a été dit sur Allah subhanahu wa ta'ala, on renie cela, on le rejette. C'est une négation. Il dit, rahimahullah ta'ala, cette négation-là doit être accompagnée et doit comporter une affirmation de l'opposé de cette imperfection-là qui a été dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que toute négation qui est dépourvue d'une affirmation est une imperfection fil haqiqa. Et ce n'est pas une éloge, et ni une glorification, et ni un compliment. Maintenant, si tu dis à une personne, tu n'es pas petit, c'est une négation. Tu n'es pas idiot, tu n'es pas gros, tu n'es pas méchant, tu n'es pas abruti, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, est-ce que tu es en train de lui faire l'éloge? Ou bien tu es en train de l'insulter? Il va dire, ça c'est pas qui je suis, yani. Je suis pas, je suis qui alors? Parce que comme ils ont dit, les ulama, nafi, mahd, c'est un adam. Le fait de, yani, une négation qui est dépourvue de toute affirmation, c'est un néant. Et le néant, c'est pas une glorification. Enfin, lorsqu'on fait le tasbih, on est en train de renier, rejeter ce qui a été dit sur Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est une négation, et en même temps, on affirme l'aspect et le qualificatif qui est parfait Allah subhanahu wa ta'ala, qui oppose, yani, ce qui a été dit injustement. Ceux qui disent, mathalan, comme c'est le cas des al-yahoud, alayhim min Allah, ma yastahiqun. Lorsqu'ils disent, yadullahi mahloul, on fait subhanallah. On dit subhanallah, billisan wal qalb, wal jawarih. Et en même temps, dans cette parole-là, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le généreux. Huwa al-karim. كما قال سبحانه وتعالى lorsqu'ils ont dit يدالله مهلولة قال غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداهم بسوطتان les mains d'Allah سبحانه وتعالى sont larges et Allah y donne. Lorsqu'on dit سبحان الله, on est en train de renier, rejeter cette insanité, cette immensité qui a été dit, et en même temps on affirme qu'Allah عز وجل il est généreux. كذلك ceux qu'ils ont dit النصارى, ils ont dit que Allah عز وجل a un ولد. On dit subhanallah. Et en même temps, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin ni d'enfant ni de compagne. Jalla wa ala. Fahuwa al-khaliq subhanahu wa ta'ala wa madunahu makhluq. Allah azza wa jal, c'est le khaliq, c'est le créateur. Et tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est une créature. Donc il n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-ghani al-qayyum. On fait subhanallah et en même temps, on affirme l'inverse de cette injure qui a été dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada huwa tasbih. C'est pas seulement une négation. Parce que la négation dépourvue de toute affirmation, c'est un néant. Et le néant, c'est pas une glorification et c'est pas un compliment. Naam. Fa labbuda min an-nafy ma'a ithbat dhidd al-kamal kama qala al-ulama. Fa idhan at-tasbih, glorification et purification, qui doit comporter l'affirmation de l'opposé de l'imperfection qui a été imputée à Allah subhanahu wa ta'ala injustement. Fa hadha huwa at-tasbih. On rajoute encore des fawaïd, mustafid, min al-ulama. قال الشيخ الإسلام العثيم رحمه الله تعالى. Il nous dit, التسبيح نوعان. Le تسبيح, il est de deux catégories. قال تسبيح باللسان. Un تسبيح qui fait par la langue, subhanallah. Et il nous dit, un تسبيح باللسان الحال. Et un تسبيح qui fait باللسان الحال, c'est-à-dire par le biais de la création. un tasbih à travers comment dire cela un tasbih à travers la perfection de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé et qui témoigne qu'Allah azza wa jalla il est exempt de toute imperfection et de défaut. Tasbihun à travers la création. À travers la création, il y a un signe évident qui montre qu'Allah azza wa jalla est exempt de tout défaut et de toute imperfection. كما قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude, et de même, yani sur vous-même, dans votre création. أفلا تبصرون. N'allez-vous pas considérer cela. وقال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Et nous allons leur démontrer nos signes à travers l'horizon et à travers eux-mêmes, à travers leur création, jusqu'à ce qu'il leur soit exposé clairement que c'est la vérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. Enfin, à travers notre création, il y a un tasbih. كما قاله رحمه الله. فقال تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. قال وأما تسبيح بلسان الحال فهو عام. C'est un tasbih qui est عام. Yani qui englobe yani toute chose. قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Toute chose glorifie Allah سبحانه وتعالى et par sa création. La, dans la perfection dont Allah عز وجل l'a créé, c'est un tasbih qui nous montre à travers la création, sa création, que Allah عز وجل il est exempt de tout, défaut imperfection. فيا deux تسبيح. Un تسبيح dans lequel on dit par la langue et l'autre qui est quoi par la méditation. Lorsque tu médites sur le khalq, tu te dis subhanallah directement. كما قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا هذا بالنار. Directement, ils font le tasbih de tout ce qu'il dit sur Allah subhanahu wa ta'ala comme imperfection, comme mensonge. À travers la création d'Allah Azza wa Jalla, ils ont un signe évident qu'Allah est exempt de tous ces défauts qui sont imputés injustement sur lui. Takadalika, dans la méditation, on a un tasbih. Et ça, c'est un tasbih qui est azim jiddan. C'est le tasbih de qulub, le tasbih de cœur. Enfin, il y a un tasbih de cœur et un tasbih qui est de al-lisan. Tasbih de cœur, ça c'est ma interprétation, c'est-à-dire qu'on médite sur la création qui. À travers cela, on voit qu'Allah Azza wa Jalla il est parfait, Jalla wa Ala. Et il a évoqué cette faïda, azima jiddan, al-imam al-Uthayma rahimahullah ta'ala, dans le tafsir de Surat As-Saffat, la page 345. C'est une faïda azima jiddan. Et enfin, kathalika, afin de complémenter la faïda sur le tasbih, il faut savoir que le tasbih, fi shar, yutlaq ala thalatha mahani. Le tasbih, fi. Dans la législation islamique, elle est employée pour trois choses. Al-awwal as-salah. La prière, elle est qualifiée comme étant comme un tasbih. Wa dalilu zalika qala Ibn Umar radiyallahu anhuma fi sahihayn Bukhari wa Muslim. Muslim c'est numéro 700, Bukhari j'ai oublié. Fa qala Ibn Umar radiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusabbihu ala ar-rahilati قبل أي وجه توجه ويتر عليها غير أنه ليسل عليها المكتوبة. De ce hadith là authentique, il nous dit Omar, Ibn Omar plutôt, il nous dit Ibn Omar que le Nabi sallam il avait pour habitude de faire le tasbih sur sa monture. Est-ce que c'est voulu par là de dire subhanallah? C'est sûr qu'il le disait. Lakin ce qui est voulu ici par le tasbih, c'est la prière. Le prophète Ali sallam avait pour habitude de faire le tasbih sur sa monture ou quel que soit l'endroit où elle se dirigeait. Il faisait le witr sur sa monture. Il ne priait pas les prières obligatoires, as-salawat al-khams, sur sa monture. Donc là, il a évoqué, il a employé le terme sabbaha pour la prière. On appelle la prière tasbih, parce qu'il est figure dedans le tasbih. Il est figure dedans le tasbih. Le deuxième terme qui a été employé pour التسبيح في الشرع بمعنى يعني إلا حرف الاستثناء حرف الاستثناء بمعنى صوفسي Inch'Allah. Ça a été évoqué dans le kitab Allah Azza wa Jal, le tasbih bi ma'na Inch'Allah. Sauf si, comme dans la surat Nun, il nous évoque cette faïda, l'imam Ibn Jari'a, rahimahullah ta'ala, قال ويطلق ويرد به الاستثناء كما في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم et le plus عاقل le plus raisonnable d'entre eux a dit ألم أقل لكم je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez le tasbih est-ce que c'est de dire سبحان الله لا قال هو رحمه الله قال يقول هل تستثنون إذ قلتم لنصرمنها مصبحين lorsqu'ils ont dit qu'ils allaient se rendre, il y en a de bonheur dans les jardins. Ils n'ont pas dit Inch'Allah. Il a dit, il est en train de les blâmer. Lorsque vous avez dit qu'on allait se rendre de bonheur dans le jardin, il fallait dire Inch'Allah. Et vous ne l'avez pas dit. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي لولا تقولون Inch'Allah كما قال Ibn Jarir. فهنا الله عز وجل a évoqué le mot sabbaha pour dire يعني الاستثناء. Et le troisième terme qui est employé pour le tasbih, c'est le tasbih qui est ma'rouf, c'est-à-dire de dire subhanallah bil lisan wa bil qalb. Une purification, une glorification qui implique d'affirmer l'opposé de l'imperfection qui a été dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adha huwa at-tasbih. Qala wa at-tahmid, qui est le fait de dire alhamdulillah. Et kazalika il a un autre terme, alhamdulillah. At-tahmid. C'est le fait de dire Alhamdulillah. والتحميد قال العلماء هو ذكر محاسن المحمود تعظيما ومحبة. C'est le fait de mentionner les bons côtés et les bienfaits de celui qui est loué par amour et glorification. فالتحميد لابد أن يكون متضمنا qui comporte lorsqu'on le dit de l'amour et de la glorification ou différent du madh qui s'appelle le compliment. Al-madh peut être fait sans amour et sans glorification, comme c'est le cas des personnes qui complimentent une autre, pas par amour et pas par glorification, lakin il prend ce compliment-là comme étant un biais pour s'accaparer un des biens qu'il a, comme c'est le cas avec certains qui ont un peu de néfarque de l'hypocrisie, et ils complimentent une personne qui est dans le gouvernement afin qu'il élève en rang. Fa'ada, ça ne s'appelle pas un hamd, parce qu'il n'a pas aimé, il n'a pas glorifié. Il ne lui a pas donné de la valeur à cette personne-là. Lakin, ça s'appelle un madh. Enfin, il y a une différence entre les deux. Si jamais le hamd n'est pas fait par amour et glorification, on appelle ça le madh. Et ce n'est pas celui qu'Allah Azzawajal veut. Allah subhanahu wa ta'ala veut al-hamd. Celui qui est fait avec amour et glorification. Et puis le haqiqa, c'est de naturine. Parce que l'insan, lorsqu'il loue Allah Azzawajal et il lui fait l'éloge, c'est par amour et glorification. Par amour et glorification. Parce qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui l'a créé. Allah Azzawajal, c'est lui qui l'a donné tawhid. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a fait rentrer dans l'islam. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui lui a donné al-sabbat, le raffermissement dans la vie d'ici-bas. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si il le veut, il le souhaite, et il lui donne le tawfiq, al-sadad, la réussite, qui le fera rentrer dans ça, dans son agrément. Fait, on peut que aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut que aimer Allah, jalla wa ala, parce que c'est le muhsin, jalla wa ala. C'est celui qui nous donne, jalla jalaluhu. Fait, lorsqu'on le loue, on peut faire que cela par amour et glorification. C'est inné, il est dans le cœur de ceux qui ont le cœur qui sont saints. Il y a une différence entre le tahmid et le shukr. Le tahmid, il est fait à la kulli hal. Il est fait à la kulli hal, quelles qu'en soient les circonstances, dans le bien ou bien dans le mal. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah, quelle qu'en soit la circonstance. Lorsqu'il arrive un bien, yahmad Allah. Lorsqu'il subit un mal, yahmadullah, parce qu'Allah a voulu à travers ce mal-là qu'il a touché, qu'il élève en degré, qu'il patiente et qu'il élève en degré. Au différent du shukr. Le shukr, il est prononcé que lorsque une personne est touchée par un bien. Fait touché par un bien, il dit yani yashkurullah. Amma s'il est touché par un mal, il ne dit pas ashkurullah ala al-musiba. Ashkurullah subhanahu ala al-musiba. Fait shukr, c'est fi muqabil al-ni'am, comme a dit l'ulama. Wa amma al-tahmid. C'est à la kulli hal, fi sarra wa darra. Naham. Qala al-ulama, al-ham ala jami' al-niham. Al-mubashara, celle qu'Allah Azza wa Jalla te donne directement, ou bien par le biais d'une personne, par l'intermédiaire d'une personne. Parce que tout bien vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin, kama qala jalla wa ala, fa min Allah. Tout bien qui vous touche vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ce soit directement ou bien par le biais d'une personne. Parce que cette personne-là n'a pas pu avoir la volonté de te donner ce bien-là que si jamais Allah on avait eu la volonté au préalable. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. التَّحْمِيلُ قَالَ الْعُلَمَاء, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qui sont muhaqqaqa wa muqaddara. Muhaqqaqa, ce sont les bienfaits que tu ressens, que tu vois. Parce que les bienfaits d'Allah, ils sont énormes, ils sont multiples. Enfin, il y a des bienfaits dont na'am, yani naskur, on se rappelle et on loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des bienfaits dont on est insouciant. Le bienfait de la peau, le bienfait des poils, le bienfait que tes yeux y clignent, le bienfait de na'am, de parler. Enfin, il y a des na'am dans notre corps. On s'arrête juste à notre corps que fil haqiqa, yani on remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala sur ça. Et faqid al-ni'ma, celui qui perd cette ni'ma-là, il le ressent. Le bienfait de marcher, de parler, de s'asseoir, de bouger. Fahada, c'est d'avoir des articulations qui marcheraient très bien. Fahada, fil haqiqa, c'est des choses qu'on se doit de remercier Allah. Et Allah, Azza wa Jalla, comme il sait que nous sommes étourdis, insouciants de ces ni'ma-là, il nous a légiféré des œuvres, il y en a par lesquelles, si jamais on les accomplit, on se sera acquitté du remerciement d'Allah et de l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant nos corps. Parce qu'on a 360 articulations. On se doit à chacune des articulations de remercier Allah Azza wa Jalla et de le louer. Et ensuite, il a dit dans le hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ordonne un convenable et qui interdit un blâmable, qui fait du tasbih, qui fait du tahlil, qui fait rak'atin, barakallahu fi duha, il se sera acquitté de cette longe-là qui est vis-à-vis de ces articulations-là. Il y a des bienfaits qui sont muqaddara, dont on est insouciant. Et qu'à les cas des bienfaits à venir. Parce que les bienfaits sont à venir. Là, tu respires. Le fait que tu respires dans une seconde, c'est un bienfait à venir. Ahmadullah ala kulli hadhihi ni'am. Enfin, ça c'est, lorsqu'on dit Alhamdulillah, il faut que nos cœurs ressentent cela. Donc, qu'on remercie Allah et Azza wa Jal de ses bienfaits, tous ses bienfaits. Parce qu'on ne peut les dénombrer. C'est pour ça qu'on Ahmadullah, hamdan mutlaqan, de tous les bienfaits. Qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Et tawhid tahmid, c'est de louer Allah Azza wa Jal bi tawhidi, bi ihsani, tawhid al-thalath, ala uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Parce que tout ça c'est de la perfection. Ihsanihi, le fait qu'il a fait descendre sur nous le plus grand de bienfait qui est al-Rasul, plutôt qu'il a créé qu'il a choisi ce prophète comme étant une guidée pour nous. Et ce livre qui est le Coran, qui est une guidée pour nous. Enfin, tout cela ce sont des bienfaits. Alati la tu'addu wa la tuhsa, qui sont indénombrables. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. On ne peut pas les dénombrer, impossible. Ne serait-ce que tu t'arrêtes comme on a dit à toi-même. Dénombre les bienfaits qui sont sur toi-même. Tu vas pleurer tellement, tu vas dire subhanallah yani, je suis vraiment pas reconnaissant, je suis ingrat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala al-'afw 'ala at-taqsir. Qala rahimahullah, kadhalika at-takbir, qui est le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette kalima nous demande de faire preuve d'humilité, si on sait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, haqqan, c'est lui le plus grand. On se doit d'être humble. La natakabbar. On ne doit pas être orgueilleux. On doit faire yani, preuve de modestie. Avec Allah, avec son kitab, avec son al-rasoul, avec al-ibad, on se doit d'être yani, humble. Et faire preuve d'humilité. Li'an Allah, subhanahu wa ta'ala, huwa al-akbar. Il faut que nos cœurs, qu'adala qui ressentent, yani, l'ampleur de cette grandeur. L'ampleur de cette kalima qui est azima et l'ampleur de celui qui est glorifié à travers cette kalima-là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui ressente cela à travers les cœurs. Ce ne sont pas seulement sur l'isan. Al-dhikr, c'est bil qalb wa l'isan, les deux. Et nos membres, kazalika, ils laissent apparaître al-faqr wa al-hajj, la nécessité qu'on a auprès d'Allah, parce que c'est le plus grand. Sans Allah, on n'est rien. Ya yuhannas, antum al-fuqara ila Allah. Vous êtes les nécessiteux et les pauvres. Wallahu al-ghani wa al-hamid. Sans lui, on n'est rien du tout. Sans lui, on n'est rien, Jalla wa Ala. On se doit de glorifier Allah Azza wa Jal et de que nos membres, nos cœurs ressentent l'ampleur d'Allah, l'ampleur de sa grandeur. Et ça implique à zalika hadil kalima Allahu Akbar, de ne rien faire précéder à la grandeur d'Allah. Aucune loi parmi les lois des humains. On doit na'am, faire précéder la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément à toute chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Akbar, c'est le plus grand. Et tout ce qui est lié à Allah Azza wa Jal, il prend de l'ampleur. Kazalika, ça nous incombe de ne rien mettre au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala comme passion. On doit suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, parce que c'est l'akbar. et nous on est rien, on n'est rien du tout. Kadhalika la vidishiba, à vous rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne se doit pas de donner des valeurs et de l'ampleur à des choses qui ne fait le haqqa quand ils n'en ont pas. Et on le fait procéder à la grandeur d'Allah et Azza wa Jal. C'est une kalima azima, c'est pas simplement dire Allahu Akbar. Ça demande na'am, de la méditation sur ce qu'on dit et surtout d'appliquer ce qu'on dit. C'est pas des paroles qui sont vaines et qui sont concaves, qui n'ont pas de sens. C'est des termes qui sont azim jiddan. Allahu Akbar. La tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasoulihi, parce que Allahu Akbar. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus grand. Et sa religion c'est la plus grande. Qala wa tahlil. Et ça, c'est une kalima azima jiddan. Qui le fait de dire La ilaha illallah. La kalima qui comporte le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah. Al-Sahih, ikhtalaf al-ulama, ils ont divergé. Quel est le nom le plus grand? Certains ont dit c'est le Hayy al-Qayyum. D'autres, ils ont dit na'am, d'autres choses. Al-Rab. Fil haqiqa, ikhtilaf, lakin, il y a un hadith qui nous montre cela. Que le plus grand des noms d'Allah azza wa jal, c'est Allah. Allah. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى عند الإمام الترمذي وتنتفي بشيخ الألباني رحمه الله. dans lequel il nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته. il a entendu une personne implorer Allah سبحانه وتعالى et de dire اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Il dit, il a imploré Allah Azza wa Jal avec son nom le plus grand. Celui qui, lorsque il est appelé par celui-ci, Allah Azza wa Jal répond. Et lorsqu'il implore, Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce sa requête. Fa kalimatu tawhid, la ilaha illallah tahlil. Ça comporte le plus grand des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa c'est une kalima ki azima jiddan. C'est la kalima par laquelle nous avons été créés. Wa ma khalaqatul jinn wal ins illa liya'budun. والعبادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. C'est la kalima par laquelle on rentre dans son agrément. أول واجب على الإنسان c'est de prononcer cette kalima là, kalima التوحيد, par laquelle il rentre dans l'islam, dans l'agrément d'Allah, dans la ni'ma d'Allah سبحانه وتعالى. Et ça c'est بالإجماع. C'est la kalima par laquelle Allah سبحانه وتعالى il accorde son paradis et l'énorme ni'ma qui est le fait d'observer son visage يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui auront bien œuvré, et ça passe pour le fait d'avoir accompli la ilaha illallah fi al-hayat al-dunya. Allah Azza wa Jal, il le récompense par le jannah. Et la ni'ma qui est en ziyada, qui est le fait de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, an yaj'alana min ahli al-jannah, wa min ahli man yara wajahu yawm al-qiyamah. Et c'est kadhalika la kalima, la hasana qui est la plus lourde dans la balance. Comme fi hadith al-bitaqa, cette personne-là viendra avec des sigils-là. Avec des registres énormes, comme Maddil Basar, qui sont aussi longs que là où ta vue s'arrête. Yani c'est des registres qui sont énormes. Et dans tous ces registres, les 99 registres, que des sayyats, que des mauvais péchés. Ils seront mis dans la balance, et ils vont peser très lourd. Laquelle dans l'autre balance, il y aura kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, avec les droits du tawhid qui est la salah. Haqq al-tawhid, la salah. Et cette personne-là, ces sayyat-là vont voler en l'air. Parce que la parole d'Allah, plutôt le nom d'Allah Azza wa Jalla dans la balance, il pèse très lourd. Fa, at-tahlil, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur tahlil. C'est haqq Allah subhanahu wa ta'ala ala al-ibad. C'est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde et du refuge contre le feu éternel. Ça, c'est pour celui qui aura compris le sens de kalimat al-tawhid. Et qui aura pris connaissance des conditions de kalimat al-tawhid. C'est pas un simple kalima. Celui qui aura mis kadalika en application, kalimat al-tawhid, et appelé les gens à se soumettre à kalimat al-tawhid. Donc ce bienfait qu'il y a à travers ce kalima-là, et il y en a énormément, face à c'est pour les personnes qui ont compris la kalima al-tawhid. Mais il y a des gens qui disent la ilaha illallah, ils peuvent le dire un million de fois. Lakin, tu le vois, il se recueille près d'une tombe et il demande à la personne qui est dans cette tombe-là. يذبح لغير الله يرجو غير الله يتوكل على غير الله. Cette personne là il peut le dire 100 millions de fois la ilaha illallah, ça va pas comment ça s'appelle profitable. فلابد ان نفهم ما كلمه التوحيد. C'est pas comme certains le prétendent, la khaliq illallah, ils ont pas compris qu'est-ce que tawhid. La khaliq illallah. Ba'duhum, tu lui dis, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Toi qui le dis 100 millions de fois, avec ton chapelet, en plus. Qu'est-ce que ça veut dire la ilallah? Il va dire la khaliq illallah. Qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Hada, c'est une kalima qui est erronée. Même Kuffar Quraysh, ils avaient une connaissance beaucoup plus profonde que eux. Pourtant, ils font partie des gens de l'enfer. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Lorsqu'on leur disait de dire la ilaha illallah, ils étaient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Qalu a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Ils ont compris que kalimat tawhid, ça veut dire délaisser ce que vous adorez en dehors d'Allah. Amma eux, ils disent, il n'y a qu'un créateur en dehors d'Allah. Naam, c'est clair. Lakin, c'est pas ce qui est voulu. Parce que si jamais ça aurait été le cas, lorsque An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu les combattre, ils auraient dit, pourquoi tu nous combats? On a dit la ilaha illallah, c'est-à-dire on a témoigné qu'il y a un seul créateur, qui n'a pas de créateur en dehors d'Allah, si jamais vraiment ça aurait été le cas. Parce que dans le hadith, il est venu, umirtu, j'ai été ordonné, an uqatila, de combattre. Umirtu an uqatila an-nas, j'ai été ordonné de combattre les gens, jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Wa Muhammad ar-Rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakat. Enfin, si jamais kalimat tawhid la ilallah, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient dit, nous, là, on confirme cela, on l'affirme. On en témoigne de cela. وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Lakin, ça ne veut pas dire cela, ilaha illallah. كَذَلِكَ ceux qui disent, لَا مَعْبُودْ إِلَّا اللَّهُ. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ça, c'est faux. La vache qui est adorée en Inde, c'est une divinité. Uzair qui est adoré injustement, c'est une divinité. Qui est dépris injustement. Isa qui est adoré injustement, c'est une divinité. فَلَا مَعْبُدْ إِلَّا اللَّهِ. C'est faux, il faut dire بِحَقْ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقْ. C'est pour cela qu'Allah est al-ma'bud, c'est lui le haq. Son adoration بِحَقْ. Ama les autres. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et ceux qui adorent en dehors de lui est dans le vain, dans le faux. Parce qu'ils ne méritent rien ces personnes-là. فَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ, celui qui la prononce et qui aura les récompenses et les vertus, et qui aura mis en application, c'est celui qui l'a compris. Qui sait que la ilaha illallah bima'na la ma'bud bihaqqin. Il n'y a de divinité en toute vérité qu'Allah azza wa jal. Ça, c'est la kalima as-sahih, celle qui va lui être profitable. كَذَلِكَ لَبُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ. Qui connaissent les conditions. العلم واليقين والقبول والانقياد. فَدْرِ مَا أَقُولُ وَالصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَكَ اللَّهُ لِمَا أَحَبَّ. Il y a des conditions à cette kalima-là. C'est comme une clé qui a besoin de cran. Si jamais il n'y a pas ces conditions-là, c'est comme si elle était plate. Tu peux la mettre dans la serrure et tourner 1 million de fois, jamais la porte s'ouvrira. La miséricorde d'Allah ne s'ouvrira pas à toi. C'est les portes de l'enfer, au contraire, qui s'ouvriront à la personne qui n'aura pas mis en application cette kalimat-là. Enfin, kalimat al-tahlil, c'est une kalimat qui est très grande. C'est pas simplement le fait de dire la ilaha illallah, c'est le fait de l'appliquer, d'appeler ces gens, et de connaître le sens de cette kalimat-là. Sinon, c'est pas profitable à cette personne-là. Comme l'a dit l'imam, الحافظ الحكيم رحمه الله قال وبشروط سبعة قد قيدت. Et cette kalima tawhid a été conditionnée par 7 conditions. وفي نصوص الوحي حقا وردت. Et ces conditions là ont été mentionnées dans le wahi, kitab wa sunnah. فإنه لا ينتفع قائلها. Celui qui la prononce ne profitera pas de cette parole. فإنه لا ينتفع قائلها بنطق إلا حيث يستكملها. Il ne profitera que lorsqu'il va réunir ces conditions là. Ensuite, il les a cités. العلم, la science. واليقين, la certitude. والقبول, l'acceptation. والانقياد, la soumission. فدري ما أقول, sache que je suis en train de dire. Il connaît le sens de ces 4 conditions-là qui sont, que j'ai évoquées. والصدق, la sincérité. والإخلاص, la véracité. الصدق, la véracité. الإخلاص, la sincérité. والمحبة, et l'amour de ces kalimat-là. L'amour pour Allah. وفقك الله لما أحب. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.